Putain, j'ai trouvé le son de... Et la force est avec toi. C'est quoi ça? C'était joli ça. Ça c'était beau ça. Qui c'est qu'elle...